Nord. La grande pâleur des villes du Nord m'a toujours inquiété. Depuis longtemps traîne dans ces villes sevrées d'un soleil rescapé, un arrière-goût de fête dont la désolation s'active dans des dimanches anciens. Là, la brique sait qu'elle ne sera jamais pierre. Quant au pavé, un miroir fracassé de la pluie. Les cafés sortent des vallées de l'ivresse, n'ayant aucun maître, aucun royaume, sauf la rue qui les fait rebondir jusqu'à leur tanière où dansent toujours les verres. Cette pâleur m'obsède. Elle est dans les visages, dans mon visage. Et si quelques papillons de rire sur la bouche des femmes s'envolent encore, l'or du ciel est fait d'un plomb qu'aucun alchimiste ne veut travailler ici-bas. Les villes du Nord sont un grand Nord.